nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pourquoi la parenthèse Mendès France a-t-elle marqué à ce point l'histoire de notre pays ? Pourquoi, alors qu'il n'a gouverné la France que durant 7 mois et 17 jours, de juin 54 à février 55, Pierre Mendès France est-il resté, si longtemps après la fin de sa vie politique et longtemps encore après sa mort, une figure, sinon populaire, mais à ce point respectée ? Interrogeant des acteurs majeurs de la vie politique de l'après-guerre, l'émission que nous allons entendre peut-elle permettre de le comprendre tout à fait ? Peut-être pas, puisque, et contrasté, de l'un à l'autre de ses témoins, le bilan politique qui est fait des quelques mois de Mendès au pouvoir. Des mois dominés par la lourde question de la décolonisation en Indochine et au Maghreb. Alors, pourquoi Pierre Mendès France est-il demeuré si présent ? Pourquoi son aura souffle-t-elle encore aujourd'hui à nos oreilles quelque chose de sa personnalité et de son action ? La réponse est peut-être à trouver aussi dans ce qu'il fut avant d'être au pouvoir, dans ce qu'il fut avant-guerre et pendant la guerre. Également dans le combat qui fut le sien en faveur de la paix au Moyen-Orient après avoir quitté la vie politique. Et la réponse est peut-être au fond contenue tout entière, à la fin de l'émission que nous allons écouter, dans les mots de Daniel Mayer qui, à propos de Pierre Mendès France, parle simplement d'une ligne droite, de loyauté et de morale en politique. L'expérience Mendès France, juin 1954, février 1955, septième émission de la série Chronique politique de la 4e République, La vie intérieure d'une République, 1945-1958, proposée par Dominique Chagnelot et Cécile Bordery, diffusée la première fois le 4 août 1987 sur France Culture. Réalisation Catherine Lemire. Un homme intelligent, qui avait des idées très à lui, un caractère très, très, très à lui aussi. Antoine Pinet. Et on ne l'a pas utilisé comme on aurait dû le faire. Quand il a formé son gouvernement, il m'a téléphoné pour me demander d'être son ministre des Finances. J'étais en pleine jaunisse à ce moment-là. Je lui dis, moi je veux bien, mais il faut attendre un mois que je sois guéri. C'est comme ça que je ne suis pas rentré dans son gouvernement, mais j'avais de bons rapports avec lui. Il m'a téléphoné, ça devait être, je sais pas quoi, les premiers jours de mai 54, c'est ça. Il y en a plusieurs de mon groupe qui ont été membres de son gouvernement. 26 juin 1954. Nous nous retrouvons, après une semaine de travail, dans le calme de cette soirée de samedi. Voici une semaine qu'a été constitué dans un temps record le nouveau gouvernement. Cette semaine, vous avez pu vous en apercevoir, a été chargée. Je tiens maintenant à venir m'entretenir avec vous. Mon propos n'est pas de vous donner de grandes nouvelles ni de vous annoncer des décisions importantes que vous ne connaissiez déjà. Les nouvelles, vous les avez eues par les journaux qui ont fait dans l'ensemble un travail d'information sérieux dans les jours qui viennent de s'écouler. Les décisions politiques, dès qu'il y en a, j'en dois la primeur au Parlement et ainsi vous les apprenez aussitôt. Non. L'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m'adresser régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme ce soir, et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement qui est votre gouvernement. Je crois que c'est l'une de mes tâches. D'expliquer à l'opinion la signification et la portée de nos actes. Et ce devoir est plus impérieux encore quand il s'agit d'entamer avec résolution puis de poursuivre avec persévérance un grand effort de rénovation forcément ardu auquel tout le pays doit être associé, auquel le pays doit concourir de toute son énergie. Je vous dirai donc au fur et à mesure comment se déroule une entreprise difficile, je vous l'assure, et que je ne pourrai mener à bien si je ne suis pas soutenu par tous ceux qui souhaitent une action vigoureuse et efficace pour le relèvement du pays. L'Assemblée nationale m'a fait une large confiance, mais je ne pourrai pas remplir ma lourde tâche si cette confiance n'est pas partagée par vous. Il serait réconfortant, encourageant, prometteur pour les uns et pour les autres, que s'établisse entre le gouvernement, les représentants du pays et l'opinion une sorte d'intimité, j'ose dire affectueuse. Il n'y aurait alors pas d'obstacle sur notre route que nous nous serions assurés de surmonter tous ensemble. Malès avait une éloquence, était près des choses pratiques et il donnait l'impression que tout était possible. Maurice Bourgès-Monory. Et c'était ça la force de Malès. C'était donner à penser que les choses étaient possibles, même quand elles ne l'étaient pas forcément. Alors, il s'éloignait beaucoup du radicalisme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a quitté le Parti radical après. Il s'éloignait du Parti radical qui tient avant tout compte des gens et des choses. Malès espérait changer beaucoup de choses. À la base, quand il avait fait distribuer du lait dans les campagne, les gosses, moi je vois, disaient, nous on a des vaches à la ferme, ça nous dégoûte de boire du lait, par contre donnez-nous du vin. Les socialistes avaient une structure, des règles internes de démocratie, mais aussi de discipline. Alain Savary. Le Parti radical était très différent. Et Malès France, qui a eu le respect de tous les socialistes, qui a eu le soutien des socialistes, et pratiquement c'était le seul groupe qui l'ait soutenu jusqu'au bout, jusqu'à sa chute. Malès France a choisi, dans cette discussion avec le parti, de n'en pas avoir. C'est-à-dire qu'il a procédé d'une façon assez gaullienne, en choisissant des hommes, et non pas en discutant avec les formations politiques. Lorsqu'il sollicite des socialistes de participer à son gouvernement, il les joint directement, parle avec eux, mais refuse de reconnaître les dirigeants de la SFIO. Ce qui fait que nous avons des conversations. Il avait demandé à l'époque à Robert Lacoste, à Albert Gazier, à Gaston Defferre, à Marcel David, si mes souvenirs sont exacts, qu'il avait connu à la Commission des Finances, et à moi-même de faire partie de son gouvernement. Mais il a refusé donc systématiquement, c'était un choix politique, de reconnaître l'existence des partis politiques. Il a refusé aussi de prendre le moindre engagement quant à la politique qu'il mènerait en matière économique et sociale. C'était l'époque où il y avait encore des questions de zones de salaire en France. Les salaires étaient différents avec suivant les régions et il y avait une forte pression pour que ces zones de salaire disparaissent. Il a refusé le moindre engagement à cet égard en disant « nous verrons au fur et à mesure si cela est possible ». Donc, les conceptions étaient différentes. Malès France, à l'époque, ne prétendait pas être socialiste. Donc, il était perçu comme un homme respecté, susceptible d'amener de grands changements, ce qui s'est produit surtout dans le domaine de la décolonisation. La thèse de Guimet était « on le soutiendra mieux si on n'est pas dedans ». Le soutien a été constant, même physiquement, dans les réunions de l'Assemblée. Les seuls qui étaient vraiment groupés autour de Pierre Malès France, qui était l'objet d'attaques violentes de la part des radicaux du MRP, des radicaux à cause de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, du MRP à cause de l'Europe, trouvant que Malès France n'était pas assez européen, et il n'avait pas tort d'ailleurs, puisqu'il a été très réservé ensuite sur la communauté économique européenne, les socialistes étaient présents. Malès avait un grand préjugé favorable au MRP. Pendant des années et des années, les relations ont été excellentes. Maurice Schumann. Et lorsqu'il a été pour la première fois candidat à l'investiture en 1953, un grand nombre de MRP ont voté pour. Pas tous, loin de là. Bidault était tout à fait contre, bien entendu. Mais ensuite, alors, il y a eu le gouvernement Laniel, dont Bidault était ministre des Affaires étrangères. Et c'est Malès qui a renversé ce gouvernement. Et il l'a renversé dans un discours d'une virulence et d'une méchanceté, d'une injustice, je dois dire, à l'égard de Bidault, qui ont enfermé le MRP dans la situation suivante. Où vraiment trahir, renier et abandonner définitivement Bidault, ce qui est devenu d'ailleurs le cas un peu plus tard, car il y avait un désaccord de fond entre les militants du MRP et lui sur la politique d'outre-mer. Mais le lien d'allégeance n'est pas rompu à ce moment-là. Ou bien combattre Malès. Le cas le plus typique a été celui de Germaine Poinçon-Chappuis, femme remarquable et injustement oubliée. Germaine Poinçon-Chappuis avait été le partisan le plus résolu de Malès au moment de sa demande d'investiture de 1953. Non seulement elle a voté pour, mais elle a été un avocat chaleureux. Et en 54, elle a été au contraire le porte-parole du groupe pour lui refuser sa confiance. Quelle en était la raison? La raison en était la blessure que la violence des attaques dirigées contre Vidot avait provoquée. Quand Mendès France a formé son gouvernement, il m'a demandé d'entrer à son gouvernement comme ministre du Travail. Eugène Claudius Petit, UDSR. Et comme je connaissais très bien son directeur de cabinet, Boris, que j'avais connu à Londres, je lui ai demandé pourquoi il me donnait le travail au lieu de me rappeler à la construction, où j'aurais encore eu beaucoup de choses à faire. Et il m'a dit que c'était parce qu'il avait été amené à donner la construction à un autre, notamment M. Le Maire. Et s'il me donnait le travail, c'est parce que, m'a dit Boris, j'étais le seul ouvrier de sa majorité. Ce qui était drôle, mais ce qui était peut-être vrai. Vous comprenez, c'est le côté cocasse de certaines choses. Alors, l'intérêt que je prenais dans ce ministère, dans ce gouvernement, c'était la participation au conseil de cabinet qui, à l'époque, donnait une vraie signification à la vie d'un gouvernement, à la vie gouvernementale. Les conseils de cabinet étaient l'endroit où les ministres réunis discutaient entre eux et donc pouvaient intervenir sur le domaine de ses voisins. Tandis qu'au Conseil des ministres, la règle non écrite, c'est pratiquement de ne pas intervenir dans le domaine des voisins. Mais comme nous en avons discuté en Conseil du cabinet, ensuite la responsabilité de chacun, sous l'autorité du président du Conseil, faisait le reste. Enfin, c'était sa responsabilité. Le président ne voulait pas cette énorme noria qui consistait à appeler les gens qui repartaient interviewés par les journalistes. Là, il avait formé son gouvernement seul, avec quelques amis personnels. Henri Caillavet. Et je me trouve donc être son secrétaire d'État, appelé par ses soins. Et je dois vous dire que j'en étais étonné. J'ai toujours servi le président, avec beaucoup de probité. J'avais une très grande admiration intellectuelle pour lui. Mais je suis entré en conflit assez rapidement avec le président à l'occasion de l'élaboration des plans du moteur nucléaire du sous-marin. Nous sommes en 1954, je contrôle le génie maritime et je sais que, bien évidemment, la France travaille à un moteur nucléaire. Et le chef d'état-major, qui était l'amiral Nomi, mon attaché militaire, mon officier de la maison militaire, qui était l'amiral Conge, m'expose cette situation et me demande ce que je pense proposer au gouvernement. Je m'en suis donc ouvert, bien évidemment, au président, mais le président avait déjà connaissance de ces événements. Il savait que les Français étaient susceptibles d'aboutir assez rapidement à la création, à la réalisation d'un moteur nucléaire. Or, ce moteur, c'était très intéressant parce qu'on pouvait le mettre ou sur des bateaux de surface ou sur le sous-marin. Et le président m'a dit, vous ferez un rapport au Conseil supérieur de la Défense. Et par ailleurs, c'est un débat qui viendra en discussion devant le Conseil des ministres. Mais un Conseil des ministres sans doute restreint, me dit-il. Donc préparez ce dossier et voyez avec M. Pélabon. Or, il se trouvait que j'allais à Bordeaux, à une inauguration. Et j'ai eu l'imprudence, au terme de ce séjour, de déclarer publiquement que la France était en mesure, sous peu, d'aboutir à la réalisation d'un moteur nucléaire. Et que, bien évidemment, ce serait pour nous une chance énorme au plan de la stratégie, au plan de la défense, dans de l'indépendance nationale. Quand je suis arrivé le soir avec les avions de l'aéronaval, un Harpoon, lorsque je suis arrivé à Paris, que je suis passé au ministère, c'était 11h ou 11h30 le soir, j'avais une note de mon directeur de cabinet qui m'attendait, parce qu'entre-temps, m'avait téléphoné, pour me dire que le président me convoquait pour le lendemain matin au Quai d'Orsay, puisqu'il siégeait au Quai d'Orsay, à 8h15, et qu'il n'acceptait pas les déclarations que j'avais faites. À 8h15, je me présente devant M. Pierre Mendès-France, qui me demande pourquoi j'ai fait cette déclaration. Je lui dis, elle est peut-être intempestive, mais je ne la regrette pas, puisque c'est un élément de vérité, et je ne pense pas avoir trahi la cause nationale. Il m'a dit non, mais il m'avait trahi à moi, parce que c'est à moi de le déclarer. Je dis, Monsieur le Président, vous avez raison, donc je vous offre ma démission pour que vous en tiriez la conclusion immédiate. Pierre Mendès-France m'a répondu, il n'est pas question de votre démission, mais je regrette que vous l'ayez dit, car j'entendais, non pas avoir un effet de surprise, mais c'était un des éléments de la discussion politique que je mène, vous le savez, de manière globale. Car en effet, il tentait à ce moment-là encore de faire venir le Parti Socialiste au sein du gouvernement. Et à partir de là, mes rapports avec lui se sont dégradés rapidement. Pour les nominations contre Miro, bien évidemment, j'étais bien amené à les lui soumettre avec M. Temple. On ne pouvait pas faire des nominations de généraux ou de contre-amiraux sans en parler à celui qui avait la responsabilité suprême. Je sentais bien qu'il y avait à ce moment-là une certaine crispation de la part du président. Alors je lui ai demandé un entretien, car ce n'était pas facile de dialoguer avec son président du Conseil. On vous dit que c'était un homme de dialogue. Moi je dis que c'était des monologues successifs. J'avais le sentiment que nous étions simplement dans le décor, nous étions les choristes. Il y a eu là un phénomène de rupture. Jacques Chaban-Delmas. De rupture de ton, de rupture de méthode, et de rupture d'action. Et Pierre Mendès-France, de surcroît, a adressé au général de Gaulle un télégramme au moment où il était désigné par le président Coty, un télégramme que j'ai trouvé fort bienvenu de sa part. Il m'a proposé d'entrer dans le cabinet comme, on dirait aujourd'hui, ministre de l'équipement et des communications. Ce qui est évidemment un ensemble assez important. Il voyait en moi un gaulliste, un homme certainement fidèle à la pensée globale du général de Gaulle. Et il souhaitait se voir décharger des soins concernant ce secteur, ce vaste secteur. Et il pensait que j'étais en mesure de mener ces affaires-là. Nous avons travaillé sur le plan politique, puisque pour lui, j'étais le chef de file des gaullistes qui entraient dans son gouvernement. Nous y avions le général Koenig à la Défense, Maurice Le Maire à la Construction, au Logement, Diomède Catrou à l'Air, Ulvaire au Budget et Christian Fouché à l'Afrique du Nord, disons. Et c'est ainsi que je suis entré dans ce cabinet, après d'ailleurs une assez vive discussion entre Pierre Mendès-France et moi, qui est survenue inopinément, le jour de la formation du gouvernement, pendant les heures consacrées à trouver un garde des Sceaux. Parce que la place de Valois était tout à fait contre Pierre Mendès-France, sans le publier. Et Pierre Mendès-France avait décidé, vous savez, il aimait bien les rendez-vous fixes, les dates fixées à l'avance, il avait décidé que la composition du gouvernement serait publiée à 13 heures. Mais à 13 heures, déjà, deux gardes des Sceaux pressentis, téléphoniquement, après avoir accepté, s'était ravisé dans le quart d'heure suivant en expliquant qu'il serait beaucoup plus utile au gouvernement et à son chef à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce qui ne trompait personne, mais il n'y avait toujours pas de garde des Sceaux. Il a fallu attendre 3h30 ou 4h de l'après-midi pour en trouver un qui était Émile Hugues, qui était dans son pays là-bas en Provence, et que sans doute les amis radicaux valoisiens n'ont pas réussi à joindre à temps, car aussitôt qu'il a eu donné son accord, le gouvernement, sa formation, ont été publiés. Et là, pendant ce temps-là, on a fait apporter des sandwichs et de la bière, et je me suis trouvé seul avec Pierre Mendès-France dans son cabinet de président de la commission des finances, qui était à ce moment-là ses fonctions. Et je lui ai dit que j'étais heureux d'entrer dans son équipe parce que c'était lui, et que je ferais de mon mieux, mais que je pensais qu'il ne s'illusionnait pas sur les chances de durée de son gouvernement. Que son gouvernement, comme les autres gouvernements, serait au bout de 2 ou 3 mois en butte aux premières agressions, plus ou moins feutrées, mais toutes dangereuses, et qu'ensuite, alors, il faudrait qu'il consacrât ses forces à empêcher les différents successeurs éventuels de le renverser, de le faire renverser. Il a pris assez mal la chose. Et je lui ai indiqué qu'il me paraissait que l'intérêt du pays, de la République, c'était qu'au bout de quelques mois, quand il aurait résolu, comme je l'espérais, le triste problème indochinois, et aussi des problèmes tels que la Tunisie, eh bien, quand viendrait l'heure des coups fourrés, bien, il engage l'existence du gouvernement sur un projet de révision de la Constitution. Puisqu'il était clair que cette Constitution-là, celle de la 4e République, et cette Assemblée-là, ne permettait pas un gouvernement stable, nécessaire au pays. Et je pensais que cette Constitution devrait être dans le sens de la déclaration de Bayeux, du général de Gaulle. Il a pris très mal la chose, il m'a dit que ça lui paraissait du défaitisme. Alors j'ai souri, parce que le défaitisme, je dois dire, et moi, nous voisine guerre. Et puis, finalement, le cours de la conversation s'est calmé et je suis donc entré dans son gouvernement. De Gaulle, le 11 juillet 1954, devant les délégués du RPF. Bonjour à un brave type qui s'appelle Mendès France, n'est-ce pas, qui a fait un gouvernement après tant d'autres et avant tant d'autres. Il m'a envoyé un message pour le 18 juin, il a pris des hommes qui étaient jusqu'alors à nous dans son gouvernement. Si j'ai indiqué que je ne marchais pas, c'est parce que je le devais. Sans ça, il se serait créé une espèce de confusion en vertu de laquelle le général de Gaulle avait donné sa bénédiction à une combinaison ministérielle. Et c'est ça, je ne le voulais à aucun prix. Tout avait été agencé pour faire croire qu'il en était ainsi. Mais c'est précisément la raison pour laquelle, assez rudement, j'ai indiqué que ce n'était pas vrai. Voilà. C'est pour que vous compreniez bien le fond des choses. Le début du cabinet Malaise-France, Maurice Bourgès-Monory, était tout entier, presque mélangé à son premier travail où il s'était fixé des délais dans le temps. Il avait fait une sorte de pari de régler le conflit d'Indochine en menaçant, si on n'obtenait pas un délai clair, de mobiliser pour avoir une situation nette en Indochine. Et il a obtenu de tous les pays un accord et Mendès a sorti son cabinet auréolé de cette gloire d'avoir arrêté pratiquement les hostilités en Indochine sur un certain parallèle, c'était les accords de Genève. Alors il faut dire que le prestige de Mendès à la suite de cette opération qui a coïncidé avec la constitution du cabinet a été considérable. Considérable sur l'opinion publique, considérable sur le Parlement, et que Mendès s'est trouvé en position de grande force politique au moment de la 4e, comme il n'y avait jamais eu auprès d'aucun président du Conseil de cette époque. Alors, comment est-ce qu'il a équilibré son cabinet? Il a pris des gens qu'il connaissait, des gens très jeunes comme moi. J'avais toujours fait jusque-là ma carrière avec René Meyer. Je dois dire qu'il n'était pas particulièrement son ami. Et il était venu me chercher. Moi, j'avais été voir René Meyer qui m'a dit « Il n'y a pas de raison pour que vous n'entriez pas avec Mendès France ». Mais il est évident que, par la suite, René Meyer a beaucoup contribué à faire tomber le cabinet de Mendès France. Parce que Mendès, au fur et à mesure de l'exécution d'un certain nombre de choses difficiles, l'Indochine, d'ailleurs, il n'a fait qu'arrêter les hostilités. On n'a pas malheureusement pu avoir de solution définitive, puisqu'il y a eu après tous les événements indochinois que nous connaissons. Mais il y a eu d'autres problèmes. Il n'y a pas eu que la CED, n'est-ce pas, qui a traversé le cours. Mais moi, je n'ai pas, pour ainsi dire, eu d'autres périodes que celle-là, puisque j'ai donné ma démission à la suite de l'affaire de la CED. Je dois dire d'ailleurs qu'à cette époque, une des choses qui m'a frappé, puisque c'était Edgar Faure qui était aux finances et que moi j'étais à l'industrie, c'était la domination totale du ministère des Finances sur le ministère de l'Industrie. Ce qui caractérisait beaucoup la 4e République, c'est que les ministères ne duraient pas longtemps et qu'on essayait de faire le plus de choses possible en arrivant. Mais évidemment, on ne pouvait pas faire tout. et on réglait beaucoup de problèmes avant la constitution du ministère. On réglait tous les problèmes qui étaient pendants. Et ensuite, quand il y avait de trop grandes difficultés, eh bien, le ministère tombait et on réglait ces nouvelles difficultés dans la chute suivante. 20 juillet 1954, signature des accords de Genève relatifs à l'Indochine. 10 jours plus tard, à Carthage, Pierre Mendès France prononcera une déclaration sur l'autonomie interne de la Tunisie. Ici Genève, la séance finale de la conférence sur l'Indochine s'est terminée cet après-midi. Monsieur Pierre Mendès France vous parle. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. J'en exposerai demain le contenu à l'Assemblée nationale. Dès maintenant, vous en connaissez les clauses essentielles. Il en est qui sont cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas, dans des situations souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas, à ceux qui sont restés meurtris dans leur chair et dans leur cœur. Que notre pensée se tourne aussi vers ceux qui ont un être aimé, exposé sur le front ou prisonnier, et dont les angoisses vont cesser, et vers les familles qui ont pu redouter pendant ces dernières semaines que leurs fils ne doivent partir à leur tour. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Roger Stéphane, qu'il aimait beaucoup et qu'il admirait énormément, était très lié avec lui. Claude Bourdet. Et un jour, Stéphane est venu rentrer au journal, à l'Observateur, extrêmement frappé, il disait, par une conversation qu'il venait d'avoir avec Mendès. Mendès venait de prendre position au Parlement, il venait de faire tomber Bidault, et il était visible qu'il allait être le prochain président du Conseil. Alors, Roger Stéphane, au comble de la joie, est allé le féliciter, et a trouvé un Mendès qui avait pas très bon moral. Et il lui a dit, mais enfin, c'est extraordinaire, vous êtes l'homme qui allait libérer l'Indochine, vous allez libérer l'Afrique du Nord, vous allez faire la paix en Afrique du Nord, vous allez remettre la France sur ses rails, c'est extraordinaire, vous avez une carrière merveilleuse devant vous, pourquoi est-ce que vous êtes de si mauvaise humeur ? Eh oui, lui répondit Mendès, et c'est ça que Roger Stéphane, assez désolé, est venu nous dire, on dira que je suis le juif qui a bradé l'Indochine, on dira que je suis le juif qui a bradé l'Afrique du Nord. Mais qui dit Roger Stéphane, mais qui dira ça? Des salauds, c'est une chance, vous allez avoir tous les salauds comme ennemis. Mais Stéphane a eu l'impression que pour Mendès, le fait qu'il allait se couper de toute la bourgeoisie de droite et du centre droit ne lui faisait absolument aucun plaisir. Mendès à Genève, à ce moment-là, avait divisé le travail en trois. Raymond Auffroy. La négociation politique était donnée à Jean Chauvel, la négociation militaire était donnée au colonel puis général de Brébisson, et enfin la négociation des questions économiques et culturelles était donnée à moi-même. Et pendant donc 4 semaines, je me rendais la nuit avec un manteau couleur muraille chez le représentant du Viet Minh que nous ne reconnaissions pas. Il ne fallait surtout pas qu'on sache que nous parlions avec eux pour discuter des accords économiques et culturels que nous pourrions faire après les accords de Genève et qui s'est appelé, au point de vue diplomatique, l'échange de lettres Mendès-France-Femme-Van-Dong et qui donc indiquait dans quelles conditions nous pourrions laisser nos installations et maintenir une coopération culturelle et économique entre les deux pays après les accords de Genève et donc la pleine indépendance de l'État du Nord-Vietnam. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que dans cette affaire-là, les bénéfices étaient tels que je me rappelle les brasseries et glacières d'Indochine qui avaient de grandes installations à Hanoï. Et je leur ai dit, bien voilà, si vous voulez, vous avez 3 mois pour récupérer, d'après les accords que j'avais signés, enfin que Maes France avait signé, mais que j'avais négocié, vous avez 3 mois pour récupérer tous vos matériels car ils avaient des installations très coûteuses. Et je me rappelle encore le directeur de cette firme me disant, écoutez, nous avons 3 mois, c'est les 3 mois d'été, eh bien, les bénéfices que nous pouvons faire en continuant à vendre nos sodas et nos bières cet été sont plus importants que la valeur du matériel que nous avons là-bas. Donc nous préférons continuer notre activité jusqu'à la fin du délai qui était le début d'octobre, n'est-ce pas? Et puis nous remettrons à ce moment-là toutes nos installations au nouveau gouvernement d'Hanoï sans leur demander aucune contrepartie. Mais la contrepartie, ce sera les bénéfices que nous allons faire encore pour toute la campagne d'été. Enfin, ce que je veux dire, c'est que à cette époque, il y avait au Maes France était décidé, n'est-ce pas, à faire la paix et à trouver une formule. Et il m'avait donné comme instruction de faire des accords économiques et culturels pour sauver ce que l'on pourrait sauver de la coopération économique et culturelle entre la France et le nouvel État qui allait se faire. Mais en fait, ces accords n'ont pas donné tout ce qu'ils auraient pu. Il y a eu, je crois, des responsabilités partagées, n'est-ce pas? Les Viet Minh n'ont pas vraiment joué le jeu, mais nous n'avons pas, peut-être, nous non plus, vraiment joué le jeu. Et finalement, la coopération économique et culturelle a été assez faible entre l'État du Nord-Vietnam et la France après les accords de Genève. Certains ont prétendu qu'il aurait pu obtenir mieux. Moi, je crois que, étant donné qu'il avait ce délai qu'il s'était fixé, et en matière de négociation, c'est jamais bon, surtout avec des Asiatiques, de se fixer un délai, parce que ces gens-là sont lents, n'est-ce pas? Mais dans les mémoires de Khrouchtchev, il est indiqué que les Russes avaient été surpris de la modération de nos demandes et qu'ils s'attendaient à ce que nous, même après Maes France, Khrouchtchev prétend que si à ce moment-là, le Viet Minh avait dit « mais après les premières propositions françaises, c'est trop, c'est trop, c'est trop », mais en réalité, il paraît, d'après Khrouchtchev, que nous avons à ce moment-là donné plus que ce à quoi s'attendait le camp de l'Est, n'est-ce pas? Mais personnellement, j'ai l'impression que Maes France a négocié aussi bien qu'il le pouvait, étant donné ce handicap d'avoir le dos au mur et de n'avoir qu'un mois pour réussir, puisqu'il avait dit à l'Assemblée que si dans un mois il n'avait pas réussi à faire la paix en Indochine, il démissionnerait. Donc il est dans une situation diplomatique inconfortable, n'est-ce pas? Il n'est jamais bon pour un diplomate d'avoir comme ça un délai fixé par lui-même d'ailleurs. À mon sens, il a négocié avec beaucoup de valeur. Moi, je considère qu'il a fait ce qu'on pouvait faire. Et que, dans l'ensemble, d'ailleurs, vous savez que les Américains n'ont pas signé les accords de Genève, n'est-ce pas? Ils en ont pris acte simplement. De même, Ngô Đình Diệm, qui avait remplacé Bullock comme premier ministre pendant la conférence de Genève, n'a pas non plus signé les accords de Genève et ne les a pas appliqués, puisque ces accords prévoyaient un plébiscite dans 2 ans dans l'ensemble du Vietnam qui n'a jamais eu lieu. Ngô Đình Diệm l'a refusé, n'est-ce pas? Mais à mon sens, Maes France a négocié avec intelligence, avec talent, dans des conditions difficiles, qu'il avait rendues difficiles lui-même par sa position politique à l'égard de l'Assemblée nationale. Et personnellement, je ne crois pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'a fait Maes France. Il y a eu un mythe Maes France et il y avait aussi, à un moment donné, une... René Andrieux. Une chance Maes France, parce que... Après toute la période du gâchis de la troisième force, marquée par le gâchis sur le plan intérieur et par la guerre coloniale, on pouvait penser à la fin de la guerre d'Indochine que la politique de Mendès allait ouvrir une voie nouvelle. Or, je me souviens, je me trouvais à l'Assemblée quand le Parti communiste avait décidé de voter pour Maes France parce qu'il pensait qu'il voulait faire la paix en Indochine. Et Maes France est monté à la tribune et il a fait un discours absolument inouï en disant qu'il ne compterait pas les voix du Parti communiste, parce que comment, dans ces conditions, ceux qui sont pieusement morts pour la patrie pourraient accepter les voix d'un parti qui, pendant des années, a combattu, enfin, l'action de la France en Indochine. C'est-à-dire qu'en définitive, il défendait la légitimité de cette guerre et il s'appuyait, en effet, sur la droite. Et c'est vrai qu'à Dien Bien Phu, par exemple, il y avait des SS. Alors, si on avait écouté le Parti communiste, on aurait épargné 7 ans d'une guerre qui était honteuse, qui a été marquée par le sang, qui a été marquée par des scandales des piastres, par des scandales divers, et on aurait fait l'économie, enfin, de cette guerre. Or, alors que nous avions toujours lutté contre elle, au moment où nous voulions aider justement à ce qu'elle se termine, Mendès monte à la tribune pour dire « En aucun cas, je ne compterai les voix du Parti communiste ». Il faut voir à quel degré d'aberration l'anticommunisme a pu conduire des gens, d'ailleurs intelligents comme lui, et à quel degré, on l'a vu aussi plus tard, au moment de la guerre d'Algérie, parce que à ce moment-là, il y a eu ce mythe de Mendès, enfin le progressiste, qui allait changer les choses. Mais pendant la guerre, il a fait des discours absolument inouïs, enfin sur l'Algérie, et la France est en Algérie, elle y restera toujours, parce qu'il avait une peur bleue d'être considéré comme un bradeur d'empire par la droite et par l'extrême droite. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage, si on veut faire une autre politique, de prendre un certain nombre de décisions. Et la décision qu'il fallait prendre, c'était en effet la décision de mettre en accord ses paroles et ses actes, enfin les paroles de la Constitution, et d'accorder à l'Algérie la liberté qu'elle demandait, l'indépendance qu'elle demandait. Je n'ai pas été contre Mendès France. Michel Debray. Je n'ai pas été pour non plus. J'ai considéré à l'époque que c'était vraiment un peu une gageure que de représenter comme une victoire ce qui était notre éviction d'Indochine, la reconnaissance de notre défaite. Je n'en ai pas voulu à Mendès France, il prenait une situation qui était une situation dramatique, une situation déplorable. Et les années qui ont précédé Mendès France lui laissaient une solution qui était nécessaire de prendre. Donc je ne lui en ai pas voulu, mais j'en ai un peu voulu de considérer que beaucoup de Français, et notamment les partisans de Mendès France, le traitaient en victorieux, alors qu'il s'agissait purement et simplement de liquider la présence française en Indochine. Alors au Maghreb, j'ai eu une longue conversation téléphonique avec Mendès France car j'ai trouvé qu'il agissait d'une manière un peu précipitée, en particulier quand il s'est agi de déclarer que la Tunisie aurait désormais l'autonomie interne. Et je me rappelle la thèse que j'ai défendue devant lui, c'était de dire il y a une Afrique du Nord, et sans doute les solutions sont peut-être différentes à envisager pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, mais vous ne pouvez pas prendre une décision pour la Tunisie sans étudier ce qui se passera en Algérie, ce qui se passera au Maroc. Et sa réponse m'a été une réponse qui m'est restée dans l'oreille comme une réponse tout à fait insuffisante, en me disant « je prends dossier par dossier ». Il y avait un problème d'Afrique du Nord, qui était un problème général de l'évolution de nos deux protectorats et de l'Algérie, et il me semblait tout à fait bizarre de vouloir régler l'affaire tunisienne sans regarder les incidences sur l'Algérie et le Maroc. C'était pas un gouvernement de gauche dans la mesure justement où il voulait exclure la force essentielle de gauche qui était représentée par le Parti communiste. Alors à ce moment-là, il ne pouvait être que l'otage de la droite, ça a été le cas. Parce que nous l'avons appuyé sur l'Indochine, même alors qu'il nous injuriait à la tribune, nous lui avons quand même apporté nos voix. Je me souviens de Valdez Crochet montant à la tribune, dit « ce qui nous intéresse n'est pas les sentiments de Mendès France à notre égard, c'est l'intérêt de la paix, etc. » Nous lui avons apporté nos voix. Mais un an après, aux accords de Bonnet de Paris, alors là, nous n'avons pas voté en effet pour la reconstitution de l'armée allemande, et à ce moment-là, la droite en a profité pour régler ses comptes, alors qu'elle l'avait utilisé comme syndic de faillite pour la guerre d'Indochine, là, elle le renvoyait, quoi, parce qu'il n'avait pas su choisir, alors que s'il avait choisi la gauche à ce moment-là, nous aurions continué à le soutenir, et il n'y aurait pas eu, sans doute, d'accord de Bonnet de Paris. 30 août 1954. L'Assemblée nationale rejette définitivement la Communauté européenne de défense. Mais en décembre, le Parlement ratifiera les accords de Paris, négociés par Pierre Mendès France, qui ont notamment pour conséquence l'entrée de l'Allemagne dans l'Alliance Atlantique et donc d'une Bundeswehr intégrée à l'OTAN. Étrange paradoxe, car c'est justement pour éviter cette situation qu'on avait inventé en 1951 la CED. Pierre Mendès France, 21 juillet 1954. Ces derniers jours ont été durs. Il a fallu que je sois soutenu par la conviction que notre pays devait enfin se décider, que le monde entier attendait sa réponse, qu'il y allait de l'autorité et du crédit de la France dont j'avais la garde, et que je n'avais pas le droit de faiblir, pas le droit d'abandonner la barre et de laisser le navire à la dérive en pleine tourmente politique. Sans doute, le gouvernement n'a pas réussi à le diriger vers les eaux calmes de la réconciliation comme il l'aurait voulu. Mais il a conscience d'avoir sauvé l'essentiel et tout d'abord ce bien précieux, nos alliances traditionnelles, qui sont demeurées au-dessus du débat, indiscutées et qui resteront à la base de notre politique. Si nos partenaires sont déçus, parce que notre réponse sur la CED, après avoir tant tardé, s'est avérée finalement négative, du moins nous n'avons plus à souffrir du discrédit qui entoure fatalement ceux qui n'osent dire ni oui ni non, et ceux qui, en demeurant immobiles, arrêtent la marche des autres. J'étais président de la commission des affaires étrangères au moment de la CED. Daniel Mayer. Il y avait un consensus intervenu entre Mendès France, président du Conseil, et ceux qui étaient partisans de la CED, pour que le lendemain matin, on continue le débat d'une manière normale, sans problème. Et René Pleven, oubliant complètement l'accord intervenu la veille, commence un débat en l'absence de Mendès France, dans lequel il prend toutes les dispositions pour tâcher de faire voter la CED à toute vitesse dans le brouhaha. Alors je fais prévenir Mendès France qu'il arrive tout de suite en séance. C'est un des actes du président de la commission des affaires étrangères. C'est à la suite d'un différend qui s'est produit au moment des négociations. Eugène Claudius Petit. À Bruxelles. C'est à ce moment-là que le conflit a pris une tournure telle que j'ai démissionné du gouvernement. Je me suis permis, en conseil de cabinet, de manifester mon étonnement et de souligner la différence entre ce que moi j'avais pris pour des engagements et ce qui avait été fait à Bruxelles. Alors, un peu stupéfaction, car c'est vrai, on n'est pas accoutumé à mettre en doute les propos du président du Conseil. Ça a été jugé comme très impertinent. Et la foudre m'est tombée dessus, non pas par Mendès, mais par les deux ministres d'État de l'époque. Il y en avait un qui s'appelait François Mitterrand, et l'autre s'appelait Edgar Faure. Et l'un et l'autre, je vous dis, la foudre m'est tombée dessus, avec l'intelligence de leurs propos, d'autant plus intelligents qu'ils étaient très acérés. Et c'était effrayant. Bon, moi, là-dessus, imperturbable, j'étais là. Et ensuite, j'ai assisté à quelque chose d'étrange. Chaque ministre ou secrétaire d'État a cru de son devoir de se lever et d'exprimer sa confiance, j'allais dire de manifester son allégeance au président du Conseil. Et j'ai vu là tous les ministres et autres, dont certains étaient des gaullistes notoires, car ce n'était pas un ministère de gauche. C'était un ministère de droite qui, en plus, ceux qui représentaient la droite ou les modérés étaient généralement des jacobins, des nationalistes. Il y avait là une situation de fait curieuse. Alors, le vote a eu lieu, bon, et la CED a été repoussée, et j'ai donc offert ma démission, ce qui a été encore une autre épreuve, parce que on a réuni le cabinet... conseil de cabinet, et là j'ai exprimé que je démissionnais. J'étais pas seul, nous étions trois, je crois. Tout ça ne s'était pas fait spontanément. On a eu des contacts, des colloques. Mais Mendès m'a donc convoqué à Marly, où il habitait dans un... Je sais pas si c'est un pavillon de chasse ou une ancienne conciergerie, un tout petit bâtiment modeste, simplement aménagé. Et là, nous avons eu un entretien fatalement difficile, où à la manifestation que je peux reprendre, parce qu'il l'avait affirmé plusieurs fois, moi seul ai dans les mains toutes les cartes du jeu, et donc vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai simplement répondu, je ne peux pas rester dans un gouvernement qui engage la politique de la France sans avoir connaissance de toutes les cartes qui sont en jeu. Et sans avoir la possibilité de partager la responsabilité. Alors, ça a été donc une discussion difficile, pénible. Mais ma décision était prise. C'est tout. Après tout, je ne faisais pas carrière dans la politique. Ça, Moi, j'aime bien me battre pour des idées. Enfin, je n'étais là d'ailleurs que pour ça. Ce jour-là, en sortant de chez lui, j'ai ramassé un tout petit caillou noir que j'ai vu par terre et je suis revenu avec mon petit caillou noir. Voilà. En juillet 1954, je reçois la visite, je reçois une demande d'audience. Gaston Monnerville, président du Sénat. De plusieurs parlementaires et non-parlementaires algériens, musulmans, qui veulent me parler des affaires d'Algérie. Et à leur tête, Ferhat Abbas. Ferhat Abbas avait été avec moi membre de l'Assemblée constituante, de la première et de la seconde Assemblée constituante. Déjà, il y avait eu des mouvements de Sétif et beaucoup d'autres, et Ferhat Abbas était installé à Sétif. Il était pharmacien à Sétif. Il était vraiment très, très français d'esprit, c'est pas contestable. Il concevait très bien de rester avec la France, mais à condition que son pays ne fût plus ce qu'il était, il faut bien le dire. L'Algérie, à ce moment-là, était souvent traitée au-dessous même des colonies. De plus en plus, les musulmans prenaient conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui leur identité, leur spécificité. Et Ferhat Abbas voulait éviter autant que possible le heurt avec la France, le heurt physique, dirais-je, avec la France. Il vient me trouver en 1954 en me disant « Voici la situation, elle est extrêmement grave. Voici ce qui s'est déjà produit à Sétif et ailleurs. Ça, vous le savez, mais voici ce qui se prépare pour novembre 1954. Nous étions en juillet. Il faut absolument saisir le président du Conseil. Il m'expose en détail, je vais vite, hélas, tout ce qui s'est passé depuis. Il m'expose tout cela en détail et dit, pour ma part, je vois une solution. Quand nous étions à l'Assemblée constituante, vous nous aviez conseillé des départements français, comme la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Guadeloupe, nous l'avions refusé. Je viens vous demander aujourd'hui, c'est très grave ce que je vous dis là, est très important. Nous venons vous demander aujourd'hui de tout faire pour que l'Algérie soit département français, comme vous l'êtes. C'est la seule façon, à mon avis, à la fois d'évoluer dans l'ensemble français et d'éviter le conflit qui risque d'être grave et sanglant. Juillet 54. Naturellement, nous devons pour longuement cela, à mon cabinet, avec les autres, dans le détail. Je dis, il y a une solution à envisager. On ne peut rien faire sans le président du Conseil. Il faut un vote du Parlement. Or, il dépend du président de la République, évidemment, à la demande du président du Conseil, de convoquer le Parlement. Cependant, c'est difficile ce que vous me demandez, car la session parlementaire venait juste d'être close. Les travaux parlementaires venaient juste d'être terminés et aux alentours du 14 juillet. Et la nouvelle session normale ne devait avoir lieu qu'en octobre. Il faudrait donc convoquer une session extraordinaire et uniquement sur cette question. Ça ne s'improvise pas. Et tel que je connais Médès France, qui est un monsieur qui étudie les questions, on ne peut pas improviser ça en 15 jours. Alors, il faut espérer que votre action, l'action des autres là-bas, évitera, ou pourrait éviter, le conflit que vous m'annoncez pour novembre. Vous m'avez dit la date, le jour des morts, 1er novembre 1954, c'est arrêté, c'est fini. Et il était absolument contre. Je téléphone à Médès France, je lui demande de les recevoir pour qu'ils lui exposent ce qu'ils m'ont exposé à moi-même, après lui avoir résumé, bien évidemment, en conversation téléphonique, l'essentiel de cet entretien qui avait duré longtemps. Médès France les reçoit. La même requête est adressée, et hélas, les mêmes objections sont présentées. Il était difficile de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat de rentrer tout de suite pour décider de la transformation en département français de l'Algérie, ce qui, pour nous autres, les anciens quatre vieilles colonies, comme on les appelait, avait demandé des années d'études, de contacts, de discussions. Et nous avions obtenu un vote du Parlement à l'Assemblée constituante depuis 1946. Cette conversation a duré 1954, 8 ans après. C'était donc particulièrement difficile, mais il ne fallait pas renoncer. Nous avons tenté, nous ne sommes pas arrivés, car le président du Conseil m'a dit, Médès France m'a dit, c'est très bien, mais ce n'est pas réalisable maintenant. Il était en plein dans l'affaire des Indochines et il préparait l'affaire de Tunisie, l'indépendance de la Tunisie. Donc on a été pris par le temps. Je dois dire que Ferhat Abbas et ses camarades qui sont revenus me voir m'ont dit qu'ils étaient absolument désolés, qu'ils ne pourraient pas éviter le conflit du 1er novembre 1954. Et le conflit a eu lieu et vous savez quelle a été la suite. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, novembre 1954. Voici qu'aujourd'hui, par la volonté de quelques-uns, un nouveau drame atteint les trois départements d'Algérie. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendier, provoquer l'émeute et le désordre. Et pourquoi? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès? Ils venaient apporter aux enfants algériens les leçons d'une vieille et haute culture, en même temps que les richesses d'un cœur fraternel. Que cherchaient donc leurs assassins? Voulaient-ils aussi, en abattant le caïd de Mchounesh, Ben Hajj Sadok, qui retournait à son poste de responsabilité, crier leur hostilité contre les anciens combattants de l'armée, ces anciens combattants qui fournissent tant de cadres courageux et utiles à l'administration? Qu'a-t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d'un casernement? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. Quand on fait le compte des traces de ce gouvernement, on les trouve beaucoup plus dans le domaine de la politique étrangère et la politique coloniale singulièrement que dans le domaine de la politique économique et financière. François Bleuclenet. Alors là, le débat revient à la question de savoir si Edgar Faure l'a ou non trahi. Edgar s'est longuement expliqué dans ses mémoires, et je crois qu'on peut dire que le différent entre Edgar et Mendès était dû surtout à la rivalité de leurs équipes. N'est-ce pas ? Il est certain que le cabinet Mendès et le cabinet Faure ne s'entendaient pas. Il y avait des liens, Jacques Duhamel arrangeait les choses, mais entre Blot et Giscard d'un côté, Simon Laura et Boris de l'autre, le courant passait mal. Alors, il est possible que de ce fait, un certain nombre de mesures que Mendès souhaitait prendre n'ont pas été prises parce que Edgar Faure et son cabinet les ont freinées. Mais c'est dans la seconde phase de son gouvernement, quand il a laissé les affaires étrangères à Edgar Faure et qu'avec Robert Buron, il a pris l'économie et les finances, qu'il devait se passer des choses importantes. Et il est tombé très vite. Alors certaines se sont poursuivies, par exemple la reconversion, l'idée de reconversion. C'est mieux vendu ensuite sur le thème de la décentralisation et du développement local. Mais enfin, c'est Mendès qui a initié l'aide à une industrialisation éclatée et sur l'ensemble du territoire, et aussi à la modernisation industrielle, c'est la première fois qu'on en a parlé. Mais sinon, il y a peu de traces de son gouvernement dans le domaine économique et financier. En matière coloniale, au-delà des coups réussis de l'Indochine, de la Tunisie, il n'a pas traité la question algérienne. Et c'est même extraordinaire de relire les débats de l'époque et de voir même quelle était la position de Mendès sur l'Algérie, c'est la France. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu, à cette époque-là, une trace visible d'une politique algérienne autre que celle qui nous a fait traîner longtemps dans le désordre. Ce qui a marqué, peut-être, c'est un style de gouvernement. Ça a entretenu surtout une nostalgie en disant « lui c'était bien, les autres c'est moins bien ». Mais on ne peut pas dire qu'il ait déterminé, autrement qu'en matière coloniale, des ruptures décisives. Moi, je ne voudrais pas paraître accablé la SFIO, n'est-ce pas, et le Parti Socialiste, mais on vient de canoniser Mendès, n'est-ce pas? Paul Delouvrier dit maintenant on ne peut plus parler raisonnablement des différentes Mendès avec les autres, il vaut mieux se taire parce que Mendès est devenu un saint, n'est-ce pas? Mais par qui a-t-il été sanctifié? Par le Parti Socialiste qui ne l'avait absolument pas soutenu jusqu'alors, et par Mitterrand qui n'était pas socialiste à l'époque. Le pape qui a canonisé Mendès pouvait être alors personnellement plus proche de Mendès que ne l'étaient même les socialistes. Car finalement, Mendès n'a pas été nettement soutenu par le Parti Socialiste. Il n'a pas été non plus par les radicaux. Il apparaît comme un phénomène d'homme seul, n'est-ce pas ? Et d'homme seul qui, après coup, par la canonisation, est adopté par la gauche tout entière. Le mot mendésisme, c'est le mot que Daniel Mayer. Mendès France récusait totalement, il ne l'acceptait pas. Je déteste les adjectifs que l'on accole à un nom propre. Vraiment, je me souviens d'une dispute à Athènes entre Michel Debré et moi, parce que je lui soutenais, moi, que quand il disait République gaulienne, ça n'était pas la République, par le fait même qu'il disait qu'elle était gaulienne, même si de Gaulle, après tout, était probablement républicain. Quand on met un adjectif à un nom, on déforme à la fois le nom et la chose à laquelle on accole l'adjectif. Donc, mendésisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une ligne droite à laquelle je reste fidèle et accroché, et dont Léon Blum et Mendès France ont été probablement les visages les plus solides, les plus heureux, qui est la loyauté, la morale en politique, le refus de tous les clins d'œil et autres coups de coude complices entre les adversaires de la veille pour dire ben, maintenant qu'on a obtenu des voix, on ne fera pas ce qui a été décidé, on fera quelque chose d'autre. Ou alors, si c'est quelque chose d'autre, imposé par les circonstances, comme Mendès France le samedi soir, devant la radio, on l'explique, on dit bon, voici les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire exactement tout ce que je m'étais proposé de faire. Mais l'idée de la rigueur, de l'intransigeance, le refus du slogan, le refus de l'affirmation péremptoire, quoi qu'il arrive, mais au contraire la volonté de convaincre, de persuader, et donc pour cela de démontrer. Pour moi, c'est cela l'école de Mendès France. Nous sommes actuellement du... Le président de la République n'en étant qu'au début du stade des consultations, je ne puis rien dire qui paraisse préjugé de sa décision. Au revoir, monsieur le président. Je vous prie. Monsieur le président de la République, avec lequel nous avons fait un large tour d'horizon, la preuve est faite. Selon moi, que quelle que soit la personnalité du président du Conseil, il n'est pas possible de gouverner sans l'appui constant et fidèle d'une majorité. Or, c'est toujours ma pensée, M. Mendès France n'avait pas de majorité et plusieurs échecs. Monsieur le Président, quelques mots, Monsieur le Président. Vous voulez une déclaration? Hop là. Une déclaration? Alors, pouvez-vous nous indiquer quelques impressions sur la conversation que vous venez d'avoir? Nous avons examiné l'ensemble des difficultés du moment, mais on fait un très large tour d'horizon. Ça n'a pas été au-delà de... Bon. Une constitution quasiment inchangée, malgré une réformette, une majorité qui s'effiloche, une assemblée rebelle aux méthodes du président du Conseil. À l'issue du débat sur l'Afrique du Nord, le gouvernement est renversé par 319 voix contre 273. MRP, communistes, la droite et les modérés, une partie des républicains sociaux et des radicaux ont joint leur voix. Le 6 février 1955, c'est la curée. 230 jours. L'expérience Mendès France aura été une parenthèse, mais marquera profondément la mémoire collective. On reviendra vite aux usages et l'Assemblée confiera à Edgar Faure le soin de les préserver. Est-ce que vous avez l'impression que cette consultation sera longue et que nous risquons d'avoir la formation du gouvernement avant demain soir? Ah, je l'ignore absolument. Vous n'avez aucune impression? Nous n'avons pas parlé de choses pareilles. Non, c'est tout ce que vous pouvez dire. Eh bien, je n'insiste pas davantage. Merci beaucoup. C'était l'expérience Mendès France, juin 1954-février 1955, septième émission de la série Chronique politique de la 4e République, La vie intérieure d'une République 1945-1958, proposée par Dominique Chagnolot et Cécile Bordery. Première diffusion, le 4 août 1987 sur France Culture, réalisation Catherine Lemire.